Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de ce 22 septembre. Et en voici les grandes articulations. Des utilisateurs du courant électrique à l'avenue de l'Amitié, c'est en plein centre-ville, viennent de passer 2 jours sans courant électrique et demandent à la régie des eaux de s'y mettre afin de limiter les pertes. Une somme de 2 millions de francs burundais est une aide dont a besoin un enfant du nom de Joli Sivan Iratsinze, qui est né avec une maladie cardiaque. L'association Le Bon Samaritain, qui est en contact avec une famille française, demande de l'assistance pour cette famille de la province Kirundo, au nord du Burundi, en province Ruyigi. Certaines impuretés, notamment les grenouilles vertes, sont observées ces jours dans l'eau de certains robinets. Dans cette ville, les abonnés de la Régie des Eaux craignent pour leur santé. Et la Régie des Eaux en province Ruyigi indique que celui qui constatera un tel effet doit le signaler à temps. Dans ce journal, on aura également la chronique environnement pour parler pollution du lac Tanganyika. Vous aurez les détails dans ce journal mis en nom de Parime Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Oh bonjour, parlons manque de courant électrique. D'abord à l'avenue de l'Amitié, c'est en plein centre-ville. Certains utilisateurs du courant électrique viennent de passer 2 jours. Ils demandent à la Régie des Eaux de s'y mettre afin de limiter les pertes. Écoutez-les au micro-baladeur de la radio Isanganiro. Il n'y a pas d'électricité dans nos bureaux et ça fait déjà plus de 2 semaines que ce phénomène s'observe. Tu te présentes au travail, tu te retrouves sans courant électrique, alors que de l'autre côté, il y a du courant. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais j'ai l'impression que ça doit être la mauvaise installation de la Régie des Eaux. On demande aux techniciens de la Régie des Eaux de venir vérifier les installations. Sûrement qu'il y a des pannes, nous, qu'on ne peut pas détecter, on n'est pas technicien, mais ça appartient à la Régie des Eaux de venir vérifier ça, parce que c'est inadmissible que d'autres peuvent avoir du courant, et nous, non. Quand tu passes même à la Régie de l'Amitié, tu entends le bruit du groupe électrogène, mais ailleurs, tu n'entends pas ça. Sûrement que c'est cette avenue qui a ce problème. On ne travaille pas bien parce qu'on ne peut pas allumer un groupe électrogène 24 heures ou bien 12 heures par jour. Comme vous voyez, on travaille de 8 heures à 18 heures et on ne peut pas se permettre d'acheter du pétrole ou bien de l'essence pour mettre dans le groupe électrogène. Donc c'est cher. On croise les bras des fois, on s'assoit. Je crois que c'est toute l'avenue de l'Amitié. Parfois, il y a des bâtiments qui sont alimentés, d'autres non. Je crois que c'est le problème d'installation. Nous demandons à la Régie des Eaux de résoudre le problème parce que c'est perturbant. Voilà, là, certains utilisateurs du courant électrique de l'avenue de l'Amitié qui viennent de passer 2 jours sans courant électrique. La pénurie de carburant, plutôt les activités nécessitant le courant électrique, sont point mort depuis bientôt 3 jours dans la ville de Lumongue. Suite à l'écroulement des poteaux électriques, les habitants, surtout les usagers de l'eau pompée à partir de Kanyengoko, demande à la Régie des Eaux d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Depuis le soir de ce mardi, après l'écroulement des poteaux électriques haute tension alimentant en électricité la ville de Rumongue, celle-ci est dans le noir et aucune activité nécessitant le courant électrique n'est possible, excepté les services disposant de groupes électrogènes. Ici aussi, la tâche n'est pas facile. Dans un contexte de pénurie du carburant, surtout l'essence et certains services comme les banques se voient souvent obligés d'éteindre les groupes électrogènes quand le flux des clients diminue. Un autre problème très inquiétant est le manque d'eau pompée à partir de Kanyengoko, un manque qui risque d'entraîner la résurgence des maladies des mains sales, étant donné que la grande partie de la population de cette ville rabat aux eaux du lac Tanganyika. Les habitants de la ville de Lumongue demandent à la Régie des Eaux d'intervenir avant qu'il ne soit tard. À ce sujet, Jean Bosco Azimana, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit que les travaux de réhabilitation de cette ligne haute tension sont à un stade avancé, sans préciser à quand le courant électrique sera rétabli dans la ville de Rumonge. Selon lui, tout dépendra de l'avancement de ces travaux. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour le cas des utilisateurs du courant électrique à l'avenue de l'Amitié. À la régie des eaux, on indique qu'ils sont au courant de ce problème. Ils promettent de vérifier leurs installations et régler ce problème. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h, dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Certaines impuretés, notamment les grenouillés verts, sont observées ces jours-ci dans l'eau de certains robinets dans la ville de Ruyigi, c'est à l'est du Burundi. Les abonnés à la régie des eaux craignent pour leur santé, demandent à cette société de purifier l'eau comme il se doit régulièrement, nous rapporte Jean-Claude Nshimiliman. Des fourmis rouges, des vers et des grenouilles, les unes mortes et d'autres vivants. Telles sont les unes des impuretés déjà constatées ces jours dans l'eau courante des robinets dans certains ménages de la ville de Ruigi. Certains de ceux qui ont constaté ces impuretés, qui se font remarquer depuis déjà une semaine, selon leur dire, demandent à la régie des eaux fournisseurs de l'eau de la ville de Ruigi à accorder une priorité qu'il faut au traitement et à la conservation de l'eau, faute de quoi la santé des utilisateurs de cette eau serait en danger. Dieudonné Mouvoni, chef d'antenne de la régie des eaux dans la ville de Ruigi, dit qu'il a lui aussi eu écho de telles impuretés dans l'eau. Néanmoins, il indique qu'il est pratiquement impossible que des grenouilles mortes ou vivantes coulent des robinets en même temps que l'eau. Toutefois, il reconnaît que cette scène peut se produire pour les fourmis rouges, mais là encore, au cas où il y a cassure d'un tuyau qui est en principe suivi d'une réparation. À cet effet, Dieudonné Mouvoni demande à tous ceux qui verraient les dites impuretés à l'informer immédiatement pour qu'il puisse lui-même faire le constat. De son côté, le médecin directeur de la province sanitaire de Ruigi, Dr Pierre Minani, conseille à tous ceux qui puissent l'eau dont la propriété est douteuse à d'abord bouillir cette eau et la filtrer même avant son utilisation pour prévenir les maladies. Jean-Claude Nshimilimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Quittons l'est du Burundi pour nous rendre un peu plus au nord en province Ngozi où la pénurie du carburant et la cherté du dollar américain sont selon les commerçants les causes de la flambée quotidienne des prix des produits alimentaires au marché central de cette province. Selon les explications qu'ils donnent, après les lamentations de leurs clients, c'est suite à la cherté des produits de première nécessité. Apollinaire Muzagar. Les femmes rencontrées ce jeudi en provenance du marché central d'Ongozi déplorent la flambée au jour le jour des prix des produits de première nécessité. Selon ces femmes, un kilo de riz acheté à 2000 francs bout il y a 5 jours est actuellement à 2300 voire 2400 francs en sac de 25 kilos de farine de maïs. L'ixembe qui coûte aujourd'hui 47 000 francs bout était à 42 000 il y a une semaine. Le prix d'un carton de savon de lessive a augmenté de 500 francs bout. Il est actuellement à 8500 francs. Le prix de la patate douce a doublé en tas qui coûtait 500 francs et à 1000 francs bout et un kilo de maïs se vend actuellement à 800 francs bout voire 1000 francs contre 600 francs d'il y a un mois. Pourtant, le prix d'un régime de banane a sensiblement chuté. À l'origine, la période de maturité de cette culture dans bon nombre de ménages selon la population d'Ongote. Les commerçants de ce marché parlent de pénurie de carburant de type mazout et essence comme étant l'une des causes de cette grimpée des prix. Ils évoquent aussi la hausse de la valeur du dollar par rapport à la monnaie burundaise selon eux. Ce jeudi, un dollar américain s'est changé au marché noir à 2920 francs. Les habitants d'Ongozi demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette situation afin d'éviter des spéculations des commerces d'Ongozi. Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et quittons le nord du Burundi pour nous rendre un peu plus à l'ouest en province Bubanza, où il y a eu début ce vendredi des préparatifs d'exhumation des tombes se trouvant au cimetière de Mhanda sur le côté droit de la route Bujumbura-Chibitoke. Ceux qui étaient en train ce vendredi de faire ce travail indiquent ce travail concerne les tombes se trouvant au bord de la route. L'administrateur de la commune Gihanga apprécie le lancement de cette activité. Léopold Ndaïsaba demande cependant que toutes les tombes se trouvant à une distance de 10 mètres puissent être dégagées. Suivez. On est en train de déplacer les tombes qui étaient au niveau de cette localité. Nous nous réjouissons également de ce travail parce qu'auparavant, il y avait des rumeurs comme quoi les engins, les machines devraient passer ici au niveau de ce cimetière. En détruisant ces tombes, on voyait que c'est une bonne action qui est en train d'être faite. Mais ce que je peux suggérer, c'est qu'il y a des tombes qui sont tout près de là où on s'est limité au niveau du déplacement de ces tombes. Alors ces tombes également devraient être déplacées afin que ne soit pas endommagé parce que comme vous le voyez, il y a jusqu'à 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, il y a des tombes qui ont été déplacées par ceux qui ont enterré l'air là parce qu'ils ne savaient pas précisément la localité qui est concernée par le déplacement de ces tombes. Mais actuellement, je vois qu'il peut y avoir des lamentations des uns des autres disant qu'ils ont été obligés de dépenser des moyens inutilement. Alors, afin de bien respecter les morts, de respecter ce cimetière, il fallait qu'on puisse, je dirais, agrandir la surface qui est concernée par le déplacement de ces tombes afin de protéger les autres tombes qui restent là. Léopold Ndeissaba, c'est l'administrateur de la commune Gihanga, dont les propos ont été recueillis par Charles Makoto. Les accidents chimiques ne concernent pas seulement la prise de feu, c'est aussi le fait que ça va impacter sur l'environnement, mais également sur la santé humaine. C'est du moins l'analyse du professeur Théophile Ndikumana dans une conférence organisée ce jeudi par l'Association des professeurs du Burundi en collaboration avec le département de chimie de cette même institution. Je vous prie de le suivre. Concernant ces accidents chimiques, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit d'accidents qui arrivent dans une usine chimique ou bien une structure de transport de produits divers. Et c'est pas des produits chimiques, mais ça peut aussi être des produits alimentaires. Ça peut être des produits technologiques comme les encres de photocopieuses, c'est-à-dire en général des substances qui sont susceptibles de prendre feu facilement. Ces accidents, ça ne concernera pas le fait de la prise de feu, mais c'est aussi le fait que ça va impacter l'environnement et également la santé humaine. Globalement, c'est ce que l'on appelle les accidents sébérennes, c'est-à-dire les accidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Dans votre exposé, vous avez aussi parlé de la prévention et remédiation. Qu'est-ce qu'au juste? La prévention, en fait, on ne peut pas prévoir un accident. Intervenir dans la prise en charge des personnes ou des biens qui sont impactés. Également, pouvoir mettre en place des structures de communication pour que le message passe rapidement et l'autorité investie du pouvoir peut rassurer la population pour éviter qu'il y ait des paniques donc sur le plan social. De la mise en place d'usines chimiques, quelle que soit la dimension, il faut pouvoir respecter une procédure minimale d'autorisation. Également, avoir un personnel formé afin d'éviter ces accidents précisément, également au niveau de la communication avec les hôpitaux. Place maintenant à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro à une demande d'assistance. Une somme de 2 millions de francs burundais est une aide dont a besoin un enfant du nom de Joli Sivan Iratsinze qui est né avec une maladie cardiaque. Selon ses parents qui habitent dans la province Kirundo, nord du Burundi, l'enfant a été transféré en France pour être soigné grâce à la maison Le Bon Samaritain. Ils sont en contact avec une famille française qui se chargera de l'accueil et des soins de cet enfant. Ils demandent à tout âme charitable de leur venir en aide pour sauver la vie de cet enfant. Gertrude Maonayo, stagiaire à la radio Isanganiro. Joris Iva Iratsinze, un enfant qui est âgé d'une année et demie, reste toujours calme dans les bras de sa mère. Ses parents disent qu'il n'est pas même capable de marcher à cet âge. Kaitavu Alice, c'est la mère de cet enfant. Il s'appelle Iratsinze Joris Ivan. Il a un problème d'une maladie cardiaque. Nous habitons à Kirundo, commune Bugabira. Cet enfant est né avec cette maladie cardiaque. Il a 2 ans et demi. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous donner des frais de transport. Tous les documents de voyage sont actuellement disponibles. C'est le ticket d'avion de 2 millions qui reste pour sauver la vie de l'enfant. enfant. Alexis Butoyi, il est le représentant légal de la maison Le Bon Samaritain qui a pour mission d'aider les enfants qui ont besoin d'être transférés à l'étranger pour se faire soigner. Cet enfant, il est le 156e cas programmé pour aller en France, puis une opération cardiaque. Donc nous interpellons toutes les personnes de bien vouloir venir en aide à cet enfant en contribuant le peu qu'il peut, comme la maman l'a demandé. Toute personne qui souhaiterait venir en aide à cet enfant peut passer par le numéro de compte 329 à la Régie nationale des postes de la commune de Bugawira en province Kirundo ou peut contacter ses parents au numéro de téléphone 79 75 41 76 ou bien 61 29 78 33. Radio Isanganiro Chronique. Place à la chronique environnement de ce vendredi. La place appelée communément Kumasi près du lac Tanganyika est pleine de déchets avec des odeurs nauséabondes. Des déchets en provenance du quartier dit industriel au nord de la capitale, Bujumbura, affectent énormément le lac et sa biodiversité, mais aussi la distance où l'on peut trouver de l'eau propre s'élargit au jour le jour en direction du Congo voisin. L'expert en environnement Albert Mbonelane renseigne que les conséquences sont énormes et appelle à la protection des eaux du lac, chacun en ce qui le concerne, avant qu'il ne soit tard. La chronique environnement de ce vendredi est signée Léonce Vitalio. Le nom Kumasi que l'on a collé à cet endroit précis du lac Tanganyika n'est pas venu du hasard, selon l'expert environnementaliste Albert Mbonelane, et ça date des années 93-2000. Les anciens éleveurs de la capitale Bujumbura le savaient mieux. Dans les années de crise 93 jusque dans les années 2000-2004, il y avait des étables de vaches, beaucoup de vaches qui étaient là-bas. Alors la bouse, c'est ça qu'on appelait Kumasi. Alors ça se répandait partout et quand il pleuvait, même les ouvriers, ils jetaient tout ça. Un jour, j'étais un peu choqué de trouver quelqu'un qui était en train de laver un bidon au bord de la rivière avec de l'eau telle et puis il va chercher de l'eau, il met ça dans son bidon. C'est dommage que l'acheteur ne savait pas d'où venait ce lait. Actuellement, il n'y a plus d'élevage, pas de bouse, mais l'odeur à son coin reste nauséabonde. Albert Mbonelane parlait des déchets provenant et des industries et des quartiers de Bujumbura comme étant à l'origine de ces éléments qui polluent le lac. C'est pas seulement les eaux usées qui viennent des industries, mais aussi des ménages, mais aussi nous avons des déchets solides. Si vous allez sur le quartier Buyenzi, je dirais que il est le premier à côté. Si vous allez sur les bords de la rivière Ntahangwa, vous allez trouver des immondices des déchets ménagers de toutes sortes, et tout le monde est content de jeter ça dans la rivière. Et la rivière peut se plaindre, mais sa voix n'est pas du tout entendue. Et tout ça finalement, ça va où ça? Ça va dans le lac Tanganyika. Avant de se déverser dans le Tanganyika, les eaux usées des industries devraient d'abord être conduites dans la station de pompage de Outélélé. Mais malheureusement, la station ne fonctionne pas aujourd'hui, même si les industries Braroudi et Afritan notamment paient les frais exigés. Mais malheureusement, cette station de pompage qui doit refouler les eaux qui viennent de la Braroudi de Afritan vers la station d'épuration de Boutelele, cette pompe ne fonctionne pas, ça va faire presque 2 ans. Qu'est-ce qui se fait? Au lieu que ces eaux se dirigent vers la station d'épuration, doivent se diriger directement vers le lac. Et là, les gens vont vous dire, mais ça pue, il y a l'odeur nauséabonde. Albert Mbonelane se place dans le futur. Il évoque une lettre écrite par un homme en l'an 2070. Ce dernier regrette de ce qu'il n'a pas fait à temps et qui touche à sa progéniture. C'est tard qu'on reconnaîtra que l'eau est réellement la vie, dit-il. Lui, il dit, quand j'avais 5 ans, il y avait de l'eau, etc., tout ça. Quand j'avais 5 ans, on recommandait à une personne adulte de boire 8 verres d'eau par jour. Aujourd'hui, en 2070, je n'ai qu'un demi-verre d'eau. Et vous comprenez tout ce que ça fait sur la santé, ça ne marche pas. Et puis, il a terminé en disant, j'appartiens à cette génération qui aurait pu tout faire pour protéger cette ressource naturelle. Parce que avant on disait, l'eau, c'est la vie. Mais aujourd'hui, au niveau du ministère, suite à ce qu'on observe, c'est l'eau propre qui est la vie. L'expert Albert Mbonelane renseigne que dans les années 80, l'eau propre du lac qu'utilisait la régie des eaux était à 1 km et 800 mètres. Aujourd'hui, elle est à 3,5 km, tandis que la limite des eaux de ce lac qui reviennent au Burundi est à 7 km. Laurence Vittari, au point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Un grand merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui en a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.